soudain, semblant crever le ciel, et venant à nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle. Voilà, ben, une très jolie de chanson. Christopher. Alors, comme certains faisaient la moue là, en l'écoutant, ben, je voulais quand même vous demander ben, de quoi elle parle. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Tiens, Christopher. De quoi? Qu'est-ce que tu as retenu de la chanson? Vous avez envie de dormir. Non, de quoi elle parlait? J'ai rien compris, moi. J'ai entendu quoi? Alors, t'es en technique, toi, tu es coupé du monde, là. Tu n'as rien, hein? Mais j'ai rien compris, la musique! Tu n'as rien compris. Mais tu as entendu, quand même, ce qu'elle racontait. Rien du tout, ok? Nicolas, qu'est-ce que tu d'amour, as d'amour, ça parlait. Ça parlait d'amour. Pourquoi ça parlait du diamant? Du diamant. Et ah, puis... t'as bien entendu, t'as bien écouté. Une bague au doigt. Bah, au moins, tu nous dis des choses, Nicolas. Zinedine, qu'est-ce que tu as retenu? Tu t'approches du micro, si moi, je l'ai retenu. Il y a... rien. Disons que tu n'avais pas envie de retenir quoi que ce soit. Hein. Tu n'es pas trop... Ouais, t'es plutôt et toi, Camille, toi. Qu'est-ce que tu as entendu? Bon. Attention. Voilà, et Gabriel, il éternue. Voilà. Tu as quelque chose à nous dire, Gabriel? Non. Tu n'as pas entendu? Non. Non, ok. On veut demander à Christophe, hein. Non, c'était vous. Christopher et Marion, je pense qu'ils la connaissent, tu vois. Donc c'était vous que je voulais entendre. Donc on arrête là, hein. C'était la chanson mystère. Donc je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, Régine, nous avons un invité. Oui. Hein. Ben, on va peut-être laisser notre invité justement se présenter, nous donner un peu son parcours, hein. Alors Damien, on te laisse la parole. Merci. Alors bonjour, donc je me présente, je m'appelle Damien Crécher, je suis stagiaire à l'IME depuis lundi, et je suis en première bac pro, service aux personnes et au territoire à la maison familiale de Saulxures-sur-Moselotte. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas qu'est-ce qu'une maison familiale, donc c'est un établissement de formation qui accueille des jeunes et des adultes en formation dans différents corps de métier. Ben, pour ma part... j'ai choisi le service à la personne. Donc, dans ce type de formation, on est amené à toucher plusieurs publics, donc de la petite enfance à la personne handicapée et jusqu'à l'accompagnement en fin de vie. Et nous avons des cours, en fait, nous sommes en alternance, donc c'est 50% en cours théorique et 50% en milieu professionnel où on apprend sur le terrain à devenir de futurs professionnels. Donc, pour mon parcours, un peu depuis mes années collège, je suis rentré en 2016 dans la maison, en maison familiale, sortant d'une classe de 5e et... moi qui ne supportais pas les cours dans des classes traditionnelles, Donc mes parents ont décidé de m'inscrire dans ce type d'établissement parce que le parcours me convenait plus, je séchais les cours, c'était très compliqué. Et par la suite, j'ai découvert le différents corps de métier. Donc paysagiste, j'ai fait aussi un peu de mécanique agricole en spécialité parquet jardin, plomberie chauffage et en entretien communal. Puis à ma troisième année de formation, j'ai commencé dans le monde de l'agriculture. Donc je suis allé faire un stage chez un éleveur de porc bio élevé en plein air. J'apprenais comment traiter l'animal de la naissance jusqu'à à la vente qui se faisait sur principe de la vente directe. Et puis l'année suivante, j'ai dû arrêter la formation suite à des problèmes de santé. J'ai repris la formation dans le service à la personne, dans le plus orienté sur le domaine de l'animation et du handicap, car moi je suis passionné de musique et j'ai envie de me rendre utile aux autres. Cette formation est complète non seulement sur un plan pédagogique et aussi qui est un vrai enrichissement professionnel. Voilà maintenant 2 ans que je suis dans cette formation et ça m'a permis de devenir secrétaire de 2 associations. Donc l'une qui s'appelle Animasol, qui est située à Cornimont. Le but de cette association, c'est d'imaginer et de concevoir tout projet en lien avec l'épanouissement de l'enfant, le respect de sa personne et de ses droits, dans une optique de construire un parc écologique accessible à tous. Et puis j'ai une deuxième association qui a été faite avec mes parents, donc elle est située à Vanier. Elle s'appelle Créatif Enfandi, donc c'est une association socioculturelle et éducative à but non lucratif qui aide dans le but de favoriser les échanges avec la personne en situation de handicap, ainsi que leurs proches qui sont souvent exclus socialement, transmettent un savoir-faire par des activités manuelles et ou ludiques, favoriser la mobilité et la découverte touristique culturelle avec quel que soit le handicap, financer diverses initiatives parallèles ou des moyens matériels ou humains pour les personnes en situation de handicap avec leur entourage, animer localement favoriser les échanges et promouvoir l'association pour récolter des fonds pour pouvoir développer un peu plus ce type d'activité et accompagner les aidants dans des démarches de demande d'aide, d'assistance médicale et pour avoir aussi du matériel adapté. Ça s'appelle comment ? Tu peux redire ? Oui, moi je n'ai pas compris. Créatitof Andy. On est ici. Créatitof Andy. Ah oui, handicap. Handicap. Création. Création. Créativité. Créativité, puisqu'on est dans une... En fait, pour vous dire, les activités manuelles que l'on fait, c'est principalement des activités où on récupère en fait du matériel, du carton. On est dans une optique aussi pour le recyclage, un maximum. On a fait, au mois de décembre, nous avons fait 2 marchés de Noël. On a fait le marché de Noël à Saint-Amé et puis le marché de Noël de Cornimont. Alors, ce qui pourrait être bien, Damien, là, c'est que tu donnes, si tu les connais là de tête, les numéros de téléphone des assos. S'il y a des personnes qui veulent prendre contact avec vous, c'est possible, je crois. C'est possible, oui. Donc, pour l'association Animasol, ça serait le 07 87 20 02 29. Et pour l'association Créatitof Andy, c'est ma maman qui le gère. Donc ça serait le 06 80 56 73 70. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, à la maison familiale rurale, c'est ça, hein ? C'est ça. De Saulsure, il y a aussi des des enfants et des adolescents de l'IME qui y vont, des adolescents. Oui. Oui. Oui, j'ai pu aussi, j'ai pu les rencontrer aussi par le biais de ma formation, puisque j'ai été aussi stagiaire à la maison familiale de Saulxures. Et nous faisions des activités régulièrement le soir en vie résidentielle. Donc, je les connais très bien. Ah, d'accord. Moi, je reviens sur les assos. Concernant l'assos Animasol, oui. Tu as dit qu'il y avait aussi pour but de construire un parc écologique, c'est ça ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous entendez par parc écologique ? Ben, que toute la structure soit faite avec du bois, principalement. Qu'on ait un toit végétal, que tout... En gros, toute la structure soit faite avec du végétal et non du comment, une structure où on a du, comment expliquer ça, où on a de la matière style béton, comment, que ça soit écologique, oui. Qu'il n'y ait pas du donc et... pas de béton. Non, pas de béton, pas voilà. Mis à part. Pas de parpaing, pas de béton. Non. Et donc oui. Là, vous faites appel à des bénévoles, je présume, non ? Oui, on essaye de chercher un peu des personnes qui soient architectes et autres pour pouvoir justement essayer d'imaginer et de concevoir cette structure pour voir déjà avoir une première vue d'ensemble de voir un peu la structure peut-être en 3D ou... Et donc ça, ce serait ouvert au public. Ça serait ouvert au public, à tout. Et surtout un maximum que ça soit aussi développé pour le handicap. Quoi. Mmh. Donc une là, personne... ça se situe à Saulxures. Non, non. Ça, l'association-là, elle est sur Cornimont. Cornimont, ok. Et que cette structure, elle puisse aussi être un maximum... accessible à la personne handicapée, la personne qui a un certain âge et qui voudrait aussi passer un bon moment d'échange, qu'elle puisse monter dans la structure sans trop de difficultés. Et donc pour la deuxième, la Créatite Offendi. Voilà, donc là vous faites des ateliers ouverts au public ou comment ça se passe ? Bah, ça serait, là on est en train d'essayer de démarcher avec des partenaires et pour essayer d'avoir des salles justement pour pouvoir déjà accueillir nos premières familles pour pouvoir justement monter ces activités. Un beau parcours. Alors, il faut quand même souligner que Damien est très jeune, Régine. Oui. À 18 ans. 18 ans, hein ? Oui. Tout jeune homme. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont bien pensées. Il y a des projets. Il y a beaucoup de projets. Justement, c'est... Il faut... Tu as fait un beau texte, là, je trouve. Ah, mais c'est... C'est impliqué, hein, pour venir à la radio. Il a tout préparé. Ah, oui. J'ai... Hein. Oui. C'est bien. Il y a eu du travail. Alors, ah oui, c'est très bien. Je vais demander à Nicolas tout à l'heure si tu as bien écouté ce que Damien il retraçait de son parcours. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire sécher les cours ? Qui va plus au collège ? Qui va plus en classe ? Ah, c'est bien. C'est bien ? C'est ça. Tu connais l'expression ? C'est ça. C'est bien, bon, t'as suivi. Alors ensuite, on n'a pas parlé des infos, on a zappé là. J'étais direct dans le vif du sujet. Oui. Hein. Est-ce que là, sur ce que Damien vient de dire, vous avez des questions ? Non. Non. Ok. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que quand on a préparé mardi, Damien, voilà, en discutant, nous a dit... bah tiens, tous les étés, je vais chez mon oncle. Oui, je vais chez mon oncle. Voilà, qui est ? Qui est agriculteur. Céréalier. Céréalier. Bon, je trouvais ça intéressant, moi, d'en parler aux jeunes, d'autant plus que Damien a rajouté, il fait de l'élevage de porc bio. Ah. Alors, juste petite correction. Oui. C'est, c'était mon lieu de stage qui faisait justement du porc bio. Bon, bah, ça fait rien. C'est pas grave. C'est moi qui, tu vois. Oui, c'est pas grave. Mais l'histoire déjà de l'élevage porc bio, c'était déjà intéressant à la base. Oui. Hein, parce qu'il y avait quand même moyen de poser des questions là-dessus. Oui. Hein, est-ce que déjà, dans la dénomination porc bio, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Non. Bon, vous savez ce que c'est qu'un porc, quand oui. même. Oui, c'est oui. C'est un cochon. Bio, ça veut dire quoi? C'est de la nourriture, c'est ça, un truc comme ça? Oui, on peut oui. amener ça comme ça, oui. Oui. Alors, est-ce que tu penses qu'il est meilleur que le porc qu'on achète comme ça On sait rien, moi. Hein. Est-ce que tu fais une différence entre, par exemple, une orange bio et une qui n'y est pas? C'est pareil, c'est le même goût, hein. C'est le même goût, voilà. Comme le porc, c'est le même goût. Hein. Chacun voit comme il veut. Hein. Donc, moi, j'aimerais quand même que Damien, par rapport au... Ah, Christopher, il n'a pas l'air d'accord, on va lui demander son avis. Non, si, je discute. Ah, bon. Je discute entre nous. Voilà. Donc, vous savez déjà ce que c'est qu'un porc. Oui. Hein. Et je vous avais demandé, est-ce que vous savez comment s'appelle... La maman. Oui. La mère. Parce qu'il y a la mère, le père, le petit. Mais la mère, comment elle s'appelle? Porçon. Alors, pour ceux qui étaient là... Oui, vas-y, Camille. Non, je ne sais pas. Ah, tu sais pas. Zinedine, est-ce que tu te rappelles comment s'appelle... La truite. La truite. C'est presque ça. Presque. C'est presque ça. Ah. Enlève le T de la fin. Truite. Voilà, c'est ça. Bien. Voilà. Ah bah oui, oui. Oui, Zinedine. Et alors, le père, comment s'appelle-t-il? Ah, je sais plus le nom. Réfléchis, j'ai Nicolas. La tête réfléchis. Là. C'est Christopher. Là, qui se rappelle. Zinedine, tu te rappelles? Non. Comment il s'appelle le père? Oui. Le papa. Ouais. Le papa cochon, comment s'appelle-t-il? Ou porc, on va plutôt Porçon. Dire porc. Hein. Le mâle. Oui, le mâle. Le oui. mâle. Non. Comment il s'appelle? Non. Le mâle. Oui. Bon, ben, c'est déjà quelque chose. Nicolas, c'est revenu? Non. Non, on va demander à Damien. Alors, le mâle du cochon, c'est le verra. Le verra, vous vous rappellerez? Oui. Et par contre, le petit. Porcelet. Porcelet. Bien, bien. Très bien. Ah, il y en a qui ont retenu des choses quand même. Hein. Donc, alors, Damien, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de l'élevage de porc bio? Oui. Pour qu'on puisse faire un peu la distinction avec bah, les élevages classiques, quoi. Alors, concernant les élevages de porc bio. Le bio, donc on évite tout ce qui est médicaments chimiques, des produits qui rendent la viande des fois pas bonne, voire même des fois qui assèchent la viande, et au goût. C'est surtout au goût. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la différence, mais moi j'ai déjà fait la différence. L'élevage de porc classique, la viande est beaucoup plus forte. Oui, donc médicaments chimiques, alors quand ils sont malades, comment on fait? On essaye tout ce qui est traitement végétal, oui. un maximum. On évite tout ce qui est chimique. Après, si vraiment, par des soucis de production et autres, on a le droit quand même au niveau des cahier des charges, donc c'est pour expliquer, c'est le grand livre avec toutes les règles que les agriculteurs doivent avoir. Ils autorisent à 2 traitements par an. Ah oui. Quand même, malgré tout. Après, je pense que les vaccins à la naissance sont les mêmes pour tous. Oui. À la base. Oui. Hein, parce qu'il y a des vaccins, je pense qu'on peut pas s'en ouais. passer, quoi. Il ouais, faut le faire, quoi. C'est ça. Et puis donc, ils sont nourris à la farine. Voilà, à la la farine qui est faite par par l'éleveur qui est principalement du grain. Donc on a une composition qui est faite de blé, d'orge, de triticale, de pois et du tourteau de soja. C'est quoi du triticale? Du triticale, c'est de la graine. C'est une graine. C'est une céréale. C'est une céréale, ouais. Un mélange de triticale, pois. On condense ça tout avec des rations bien définies en fonction de l'âge et pour tout ce qui est engraissement. Pour pouvoir qu'il puisse partir à l'abattoir. Parce qu'il ne mange pas beaucoup de légumes, finalement. Non. C'est vraiment de l'élevage intensif. C'est de l'élevage intensif. On est sur 300, environ 300 porcs à l'engraissement. Alors, est-ce qu'ils sont partis dans des boxes, là, ou est-ce qu'ils sont en plein air? Alors, ils sont en plein air, dans une petite maison. Que l'agriculteur prépare tout ce qu'il faut dedans, avec de la paille, donc pour que la mère puisse mettre bas, c'est-à-dire faire ses petits. Et en fait, après, il y a des principes d'auge, qu'on leur met des grandes auges en pierre pour pouvoir les nourrir à l'extérieur. Et ils ont un parc. Délimité par des clôtures avec tout ce qu'il leur faut pour... Alors le parc, c'est quoi? C'est un petit truc de 50 mètres carrés devant la maison, ou alors ils ont vraiment... On est vraiment sur un grand espace, puisqu'on a jusqu'à 30 hectares sur toute la production. Ah oui, ça fait déjà quand même. Hein. Donc, c'est dans les Vosges? Non, c'est sur la Haute-Saône. Ah oui. En Franche-Comté. Alors... Tu vas écouter, hein, Gabrielle, parce que tu n'écoutais pas. Une truie, elle met combien de petits... Régine, il faut parler dans le micro, parce qu'après on vous entend. Ah, pardon. Une truie, elle met combien de petits porcelets au monde? Donc, à chaque fois, on compte 12 porcelets par truie, et toutes les 3 semaines. Quand c'est... Elle fait des petits toutes les 3 semaines. Elles font c'est sur plusieurs. C'est organisé sur l'ensemble des truies. Sur l'ensemble des truies, on compte à peu près toutes les 3 semaines 12 porcelets. Ah oui, d'accord. Sur l'ensemble. Ah oui, c'est oui, vraiment bien. C'est pas une seule truie, c'est plusieurs. Non, c'est plusieurs. Et puis elles peuvent faire des petits combien de fois dans l'année? Une ou deux fois ou alors c'est une fois? On était jusque 3 fois on était jusque 3 fois dans l'année. Puis donc une truie, vous la gardez combien de temps? Parce que 3 fois par an, ça tombe, je parle. Oui, oui. On essaye de les garder maximum 2 ans, quoi. 2 à 3 ans. 2 ans. Ouais, quand après elles repartent à l'engraissement et ça, on les abattait. Ouais. Gabrielle, est-ce que tu as écouté? Non. Est-ce que tu as une question là sur une question les cochons, l'élevage de cochons? Non. Alors est-ce que là dans la ferme vous avez des tracteurs? Au début, oui, on avait des tracteurs, justement, sur cette exploitation, mais vu comme elle voulait se développer dans l'agriculture biologique, et on a évité tout ce qui était grosse mécanisation, on a tout recentré, en fait, sur avec de l'attelage. Donc c'était une jument qui tractait une remorque. On mettait nos cuves d'eau dedans, on mettait notre farine dedans et on partait faire la tournée pour tous les cochons. Oui, j'ai parlé de tracteur parce que Gabriel, ça l'intéresse. Alors tu vois, Gabriel, là, fini les tracteurs, ils ont repris un cheval. C'est le cheval qui tire les charrettes. Non, pas. Oh, tu préfères le tracteur, toi? Oui, bah oui, c'est sûr. Ah bah oui, le tracteur. C'est beau un tracteur, hein? Oui. Mais c'est cher, un tracteur, Gabriel. Tu te rappelles, mardi, on en a parlé aussi avec Damien. Oui. On lui a demandé combien ça coûtait. Il faut des sous, oui. Et c'est cher. Qu'est-ce que tu dis, Zinedine? C'est cher, c'est cher. Oui, c'est cher, tu as raison, oui. Oui, coup de vue. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Non. Christophe. 6 000. Comment? 6 000 pour un tracteur. 10 000. Non, 6 000. 6 000. Il faut 20 000. En moyenne, 25 000 euros pour le premier, le petit bas de gamme. L'entrée de gamme sans option, juste pour faire le petit tour du parc ou autre, on compte 25 000. 25 000 euros et le bas de gamme. Après, si vous ajoutez la clim et tout ça, alors là, ça prend. Là, c'est astronomique ce qu'on peut. Plus le fuel. Ah, plus le gasoil. Et le fuel, le gasoil. Le gasoil qu'on met dedans et le fameux anti-polluant au niveau. C'est la D-Blue. La D-Blue aussi. Ils ont rajouté ça. Et c'est. Oui. Gabriel, est-ce qu'il faut du gasoil pour une jument? Et... Oui. Un cheval, il a plus de gasoil? Non. Gabriel, est-ce qu'il faut du gasoil pour qu'une jument, elle avance? Oui. Oh. Zinedine, qu'est-ce qu'un cheval mange? Vin. De? Vin. De l'herbe. Du foin. Foin. Bien, oui. Alors, est-ce qu'on lui met de l'essence? Non. Un cheval, c'est pas une machine. Non. Voilà, ce n'est pas une machine. On n'a pas de sang. Sinon, il meurt. Ah, complètement. Oui. Est-ce que nous, on tourne le gasoil, là? Non, on est des humains, on n'est pas des voitures. Exactement. Exactement. On n'est pas des mécaniques. Donc, posez vos questions, là, si vous en avez, à propos des cochons, de l'élevage. Non. Est-ce qu'on peut visiter la ferme? Il me semble qu'on peut visiter cette ferme. Après, c'est principe où on peut avoir un minimum au niveau du groupe. Oui. Et on peut faire le tour de l'exploitation, mais c'est sur demande... spéciale. Sur demande spéciale, voilà. Oui. De l'accueil de groupe. Ça peut être un projet pour... Oui. De sortie, oui. De sortie. Tout le monde la ferme avant. Oui, mais un élevage de porcs, est-ce que tu es déjà allé? Ou il n'y a que des porcs? Non? Oui, Christopher. On voudrait bien aller voir les porcs, moi. Oui, bah oui. Ah, Christopher, oui. On va faire un projet, hein. Ouais. Mais ben, on demandera. Oui, tu veux dire. Il a une question? Oui, j'ai une question. Vu que tout à l'heure, vous parliez de tout ce qui est bio, tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a une grande différence entre un produit bio et le même produit, mais pas bio? Dis vos goûts, par exemple. Dit comme ça, moi, personnellement, moi, je vois pas trop la différence entre le bio et le non-bio. Parce D'accord. que, des fois, il y a des traitements qui sont quand même posés. Il y a... C'est une anecdote comme ça. Un agriculteur, un producteur de céréales qu'on avait visité justement avec le centre de formation, nous disait mes parcelles sont bio, mais on voit l'hélicoptère qui passe juste à côté avec des tas de pesticides. Alors bon, un produit bio et non bio, pour moi, il n'y a pas de grande différence. Après, dans l'aspect technique, ça peut, je vois pas de différence particulière. Mais à la rigueur, le consommateur, il s'en moque de l'aspect technique. Lui, c'est ce qu'il a dans l'assiette. Ouais, dans l'aspect technique, après, des études, après, disent que ça serait plus bio, ça serait consommable de travailler en fait sur de l'agriculture biologique plutôt que d'être dans le conventionnel. Mais d'ailleurs, le gouvernement, maintenant, à l'heure actuelle, est en train de développer un maximum l'agriculture biologique, qui réduise les pesticides à fond, mais encore toujours présente dans la vie des agriculteurs. Bon, voilà. Après, chacun... Oui, oui, vas-y. C'est un grand problème. Marie, on a une question. Du coup, j'ai une question aussi. En fait, quand on dit agriculture biologique, c'est peut-être aussi plus dans le respect de l'animal parce qu'on ne peut pas être à 100% sûr qu'il n'y ait pas du tout de pesticides, parce que comme tu le disais, tu as l'hélicoptère qui va passer juste à côté. Oui. Donc du coup, on n'est pas absolument sûr à 100% que tout est bio. Tout est bio, voilà. Donc c'est plus en fait dans le respect de plus de ouais. l'animal. C'est plus ça. Qui est élevé, comme tu disais, en plein air avec un parc de 30 hectares plutôt que dans des box où ils sont serrés comme des sardines. Ouais. Là, on est plus dans le respect de l'animal en fait. Respect de l'animal et de la qualité, ouais. Ça. Enfin, il y a quand même un cahier des charges très lourd. Très lourd. Hein, pour qu'on lourd. Soit catalogué en bio. Oui. Hein, c'est très compliqué maintenant d'avoir un label bio, justement, oui. au niveau. Oui. Et puis, il faut attendre aussi pour passer au bio. On ne peut pas passer tout de suite. Non, c'est, hein, c'est des mois. C'est des mois et des années de travail. Facilement. C'est des mois et des années de travail. Oui. Ça. Justement. Après, est-ce que l'élevage là, de porc bio, c'est lui qui fait ses céréales? Oui, il est, en fait, toute sa production est comment est transformée pour ses porcs. Après, et donc, comme tu expliquais tout à l'heure, son voisin là, c'est traité par hélicoptère. Oui, entre guillemets. C'est lui, c'est vraiment de l'épandage. Il y a de l'épandage en l'air et il y a beaucoup de traitements qui sont faits au sol, mais c'est astronomique. Parce qu'il y a aussi les normes par rapport à l'éloignement des maisons là pour traiter et oui. tout ça. Oui. Donc ils sont quand même obligés d'en tenir compte. Ils sont obligés d'en tenir compte. Enfin, il paraît quand même que c'est pas. C'est pas très, c'est pas très sérieux. Non, c'est pas très respecté. On est moi j'ai mon maître de stage qui m'avait justement expliqué sur son parc, il a été obligé de comment à la base, il voulait mettre ses cochons dans le sens par l'entrée en fait de l'exploitation, sauf qu'il a été obligé de mettre des moutons à la place à cause des voisins, des trucs. Alors oui. que la maison d'habitation a été mise quand même juste après quoi. Oui. Il a été obligé de retransférer tout sur l'arrière en fait de son exploitation puisque il pouvait pas devant mettre ses bêtes. Donc il a remis des moutons et maintenant c'est il y a les moutons d'un côté et tout le cochon de l'autre. Et avec un atelier aussi, juste à côté, ils ont fait un magasin avec un atelier de transformation. Donc on peut faire de la charcuterie, ils font du pâté, des terrines, et ils vendent ça aussi sur les marchés. C'est ça. Tu dis quoi, Gabriel? Non. Vas-y. Non. Tu veux poser une question à Damien? Non. Non? Hein? Eh bien, on va faire la pause, peut-être. Mmh. Ah, tu avais une question? Oui. Ah, bah vas-y. Vas-y. Est-ce que vous mangez le porc, vous faites? Pardon? Est-ce que vous mangez le porc, vous faites, là? Est-ce que tu manges du porc? Bon. Vous élevez? Ah, bah moi... Pardon? Oh, j'ai pas compris. Est-ce qu'il mange le porc de la ferme dans laquelle il travaille? Oui, il fait... Oui, c'est... Il fait, oui, il mange sa production, c'est... Et toi Bah, moi, j'étais un grand consommateur de chez lui. Et de... Quoi? Quoi? Pourquoi, Christopher? Demandez comme ça. Comme ça? Tu manges du porc, toi aussi? Oui. Voilà. Bon, allez, on fait la pause avant de continuer. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, puisque c'est Damien qui a choisi. Ah, alors... Ça va être complètement différent de la première. Ouais. Ah, allez. Bam bam, mon sas d'Asie sur mon lit à bouffer sa langue en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça passant, qu'il me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête. Ma faute! Ma faute, Christopher, de nous redonner la parole! Il était à fond, Christopher, il avait les paroles, il chantait en même temps! Ouais, là, je crois qu'il y a eu un petit coup de. Ça y est, ils sont réveillés, hein, pour certains! Non, pas moi, hein? Non! Donc, on va reprendre avec Damien et repartir sur. Qu'est-ce qu'on disait là? La production. Oui. Production. La production. Ouais, et bon, la nourriture, alors tu disais à l'instant, là, hors antenne, que quelque part, c'est à volonté. Oui, c'est à volonté. On faisait deux passages par jour. Donc, on passait le matin avec notre nourriture, notre farine. On remplissait les auges et puis on faisait un deuxième service le soir avant de partir. Et je pense que tant qu'il y a à manger, il mange, quoi. Oui, c'est ça. Ah, oui. C'est ça. Oui. C'est ça. Et puis, j'avais une autre question là, que j'ai oublié de poser tout à l'heure. Les petits, vous les sevrez à quel moment? Ils restent un moment avec leur mère. Ils restaient 15 jours, 3 semaines grand maximum. Quand on voyait que les box étaient pleins, on les laissait maximum 3 semaines dedans et après c'était à l'engraissement. Tout de suite, on leur donne aussi des farines. On commence. On commence quand même quand ils sont avec quand ils sont encore avec leur mère, on commence déjà à leur mettre un peu de farine pour que justement ils s'habituent à la farine et puis après on les met en grand parc pour qu'ils puissent se développer un maximum. Et les mères avec leurs petits, donc elles sont en box. Les mères sont en box avec les petits. Du moins elles sont dans les cabanes. Elles sont dans les cabanes, elles restent les jeunes restent dans la. Qu'il peut y arriver, j'ai déjà entendu ça, moi, que les petits sont écrasés. Oui. Sous la mer, quoi. Ça arrive. Ah. On a eu déjà des épisodes où on retrouvait les porcelets complètement écrasés par les mers, par le fait. Et c'est tout après toute une démarche après pour les retirer et autres. Donc, on voulait parler aussi de la production. Après, qu'est-ce qu'on fait des cochons? Alors, les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec les cochons? Avant que Damien le dise, j'aimerais que vous vous expliquiez un peu. Comment vous voyez ça? On les prépare à aller à l'abattoir. Oui, il faut qu'ils aillent à l'abattoir, bien sûr. On les endort. On les endort? Oui, après. Ah, alors déjà, Damien, est-ce qu'on les endort avant de les abattre? Avant de les abattre, on les met en fait dans des grands box. parce que j'ai visité un peu l'abattoir, justement, on les met dans des grands box. Ils restent pendant 2 jours dans les box. Ils doivent passer tout un truc vétérinaire et autres. Et après, passage devant le vétérinaire, on les met en fait dans des cages, en fait. Et on les électrocute, oui. C'est un peu sauvage. C'est un peu sauvage, oui. Et tu as regardé ça ? Ouais, j'ai vu ça. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant quand on voit ça. Après, ils découpent la bête. Oh. Ils la nettoient, ils la préparent pour que ça alors, soit conditionné. Pourquoi, par exemple, les cochons, ils font comme ça, mais par contre, avec les bovins, ils font pas comme ça. Ils sont pas électrocutés. Une vache qui va à l'abattoir, c'est pas le même fonctionnement. Alors les vaches, j'ai jamais vu. Honnêtement, j'ai jamais vu comment c'était travaillé la vache. Bon, on va pas s'étendre là-dessus parce que c'est assez voilà. Oui, on va parler de ce qu'ils produisent avec leurs cochons. Qu'est-ce qu'on fait avec le cochon, Christopher? Par se mettre dessus, je sais pas quoi est-ce qu'on peut faire. Hein. Je suis sûre que tu manges quelque chose. Quand vous allez en course, que vous voyez le rayon au porc, qu'est-ce que vous voyez du porc ? Les tranches. Les tranches de quoi ? Les tranches de jambon. Ah, et le jambon, voilà. Le jambon. Et puis ? Les pieds de cochon. Les pieds de cochon. Les pieds de cochon, oui. Le foie. Nicolas. On fait beaucoup de choses avec le cochon. Oui. T'as d'autres idées, Christopher ? Saucisson. Du saucisson, oui, bien sûr, Nicolas. Oui. Escalope, ça a du porc, ça. Ah, basket de porc, qui dit Christophe. Escalope. Les baskets, on les met. Des baskets de porc, t'as dit ? Non, mais c'est lui qui l'a dit. Non, t'as pas coupé. Vous avez d'autres idées ? Non. Gabriel, tu as une idée ? Non. Non ? On va demander à Damien de compléter alors ce que vous avez dit. Bah, on peut trouver aussi du pâté. On peut avec de la gorge ou autre, on transforme. On peut transformer justement le saucisson, divers. On n'a pas parlé du lard. Du lard aussi, oui. Du lard, c'est quand même. On vient pas parler de lard. Ah oui, donc ça c'est toutes les côtes. Je suis pas du tout original. Hein, lard, hein. Et alors là, est-ce que vous les faites fumer ? Oui, on peut les faire fumer. Il y a un fumoir justement qui permet de pouvoir avoir de la viande fumée. Oui, vas-y. Les côtes de porc aussi, on peut manger. Les côtes. Oui. Oui. Ah, les côtes, oui. Oui. Alors, est-ce qu'il y a du débouché ? Au niveau des ventes. Alors, au niveau des ventes. Est-ce que les gens viennent sur place ou alors vous avez des. Alors, à la base, la vente se fait en magasin. Donc, sur place, oui. C'est sur place. Après, ils font des marchés artisanaux. Hein. Dans le département. Ils vont même sur le secteur du Doubs, ils font presque une heure de route pour pouvoir faire connaître leurs produits. Et puis, voilà. Parce qu'il y a quand même une grosse production, là. Il faut quand même pouvoir le... Ouais. Ils vendent au grand magasin du coin. Après, ils essayent de se mettre, ils essayent de construire en fait un parc, du moins un parc, un magasin sur place. De producteurs en fait. Ah, là, oui. Ils vont essayer justement. Le groupement de producteurs. Groupement de producteurs du coin, ils vont essayer justement de remettre. Et ils font les marchés. Ouais, ils font les marchés. C'est long. Gabriel, tu peux aussi intervenir. On te demande d'intervenir. Gabriel, est-ce que tu manges du jambon à la maison ? Non ? Non. Moi, je ne veux pas entendre non, parce que je sais que ce n'est pas vrai, Gabriel. Moi, du jambon. Voilà, tu manges du jambon. Oui. Tu vois, le jambon, il est fait avec du cochon. C'est pas bon. Quoi, le cochon ou le jambon ? Le cochon. Le cochon ? Oh, c'est beau, un cochon. C'est pas bon, ça. À de la purée. Comment ? À de la purée. Avec de la... Tu demanderas à ta maman si elle en fait. Ah. Ouais. Tu trouves pas que c'est beau un cochon? C'est rigolo. Oui, si t'as envie de monter dessus, hein. Si, tu peux monter dessus en plus. Comment? Monter sur le cochon, comme un cheval. Le cochon. Attends, ça c'était la question que je voulais poser à Damien. Oui, vas-y, va. Est-ce que t'es déjà monté sur un cochon? Alors, non. Oh. Ils ont pas l'air d'aimer ça. Généralement, moi, je me faisais courir après dans les parcs. Je devais passer la clôture parce qu'ils couraient plus vite que moi. C'était du course de la course de lait que je faisais. Est-ce que vous laissez le Vera avec les truites dans les parcs ou alors lui, il est isolé dans un coin? Alors lui, il est isolé dans un parc à lui tout seul et en fait, on apporte les truites justement Oui, oui, c'est ça. Et donc, un Vera pour tout le cheptel. C'est quoi? Il y en avait deux. Deux Vera. Il y avait deux Vera. C'était quoi cette part du Vera? On avait le jeune et puis le plus vieux. Et papa. Il faisait courser. Oui, je me faisais courser par les Vera. Et puis, la question que je voulais demander aussi, alors est-ce qu'il y a beaucoup de monde pour travailler sur l'exploitation? Alors, maintenant, ils ont embauché un salarié. Sinon, c'est un couple. Ils sont deux. C'est un boulot, quand même. Et l'éleveur, lui, c'est lui qui va faire, en fait, tout ce qui est bien-être de l'animal. Production qui va les engraisser, il y aura le fermier, l'agriculteur. Après, il y a sa femme qui gère plus tout ce qui est vente, comptabilité. Et il y a son salarié qui va faire toute la transformation justement pour la vente, qui va refaire la découpe des carcasses. Alors Damien, là, il a parlé du bien-être de l'animal. À votre avis, ça veut dire quoi? Il fait des câlins. Fais des câlins, ok. La main. Bah, allez-y, donnez-vous idée. Il fait des câlins. Alors, il les brosse. Comment? Il les brosse. Il les brosse. Il leur dit des petits mots gentils. Il leur donne des mots gentils. Oh, tu saurais bien faire, Christopher. Et puis, il y a quoi encore? Il fait des bisous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un animal soit bien? Il s'est coursé. Il est coursé. Jouer avec lui, tu veux dire. Zinedine, tu as une idée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un animal soit bien? Vas-y, écoute. Est-ce que tu as une idée? Non. Bon, à part faire des bisous, faire des petits mots, le brosser, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donner une truffe. Des truffes? Moi, j'ai soin. Du foin, oui, c'est bien, Gabriel. Oui. Oui, il faut leur donner à manger, bah oui. À manger, et puis quoi? Les graines. Parce que quand on mange, on boit, bien sûr. Et les graines. Donc, il ne faut pas qu'ils mangent... T'as faim. Tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut aussi... On leur donne de la paille pour qu'ils se couchent dessus. Oui, de l'eau, oui. Aussi, oui. Alors là, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont de l'espace. Hein, contrairement aux élevages industriels. Bien, ça, moi, bien. Tu as dit quoi, Gabriel? Bien, cralalé. Toi, tu voudrais peut-être aller en stage, là, dans la ferme. Hein? Il n'y a pas l'âge. Quand tu seras un peu plus grand, tu voudrais y aller travailler? Oui. Ah, on va demander l'adresse à Damien, alors. Hein? Entendu, tiens-nous, moi. Non, c'est loin. Alors, Damien est derrière le mot, enfin, les mots bien-être animal. Est-ce que dans ce qu'ils ont dit, c'est exactement ce qu'ils ont dit, c'est prendre soin d'eux, les nourrir, leur donner de l'espace et qu'ils soient contents, qu'ils courent un peu partout. Bien, ouais. Tu vois, Nicolas. Courent un peu partout, Ils courent après. Qui course après les stagiaires. Vous avez bien essayé? Oui, c'est ça. À mon avis, ils étaient pilotés. Ils Et moi, je voudrais vous demander, les enfants, est-ce que tout le monde mange du porc? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde ici mange du porc? Oui. Oui, moi. Non. Voilà. Non, moi. Il y a des personnes en France, notamment, qui ne mangent pas de porc. Alors Zinedine, est-ce que tu fais partie des personnes qui ne mangent pas de porc? Mais comment tu trouves... Regarde, imagine un petit cochon, là. Tu le trouves beau quand même. Oui, c'est un bel animal. Gabriel. Gabriel, c'est pas arrête. Bon, c'est non. Qu'est-ce que tu dis, Christopher? Non. Ah, ok. Alors, Damien, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter? Parce que là, on est au terme de l'émission. Non, pas spécialement. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Si, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu fais comme activité à l'IME? Activité à l'IME, donc... Oui. Comment je suis parti faire de la piscine hier avec les jeunes, c'est oui. toujours voilà, et on a fait un peu de paperasse avec la CIF Pro. La CIF Pro, oui. Ouais, la CIF Pro lundi matin. Et puis on a commencé à faire des jouets hier après-midi en bois. Ah, oh, c'est bien. Avec un des éducateurs. Albin, qui est déjà venu ici. Qui est venu à la radio. Oui. Ah ben super. Donc tu es là pour combien de temps, Damien? Alors là, je suis là pour 5 semaines en alternance, bien sûr. Donc je serai une fois là, une fois je serai absent, je serai à l'école. Voilà. Et donc tu es avec les adolescents? Avec les adolescents, voilà. C'est trop, hein. Bah oui. Oui. Donc, écoutez, on va remercier Damien d'être venu avec nous et puis surtout de nous avoir un peu initié à la vie de la ferme, des élevages de porc. Donc, j'espère que vous avez retenu quelques petites choses. Toi, c'est le tracteur qui t'intéressait, ça je savais. Moi, c'est les cochons. Je savais. Toi, ça t'intéressait? Oui. Est-ce que tu as appris des choses aujourd'hui? Oui. Parce que c'est le but quand même, hein, que vous reteniez un minimum. J'aime bien ça, moi. Ouais. Et le toi, tracteur. Camille, tu as retenu des choses? C'est bien. Et toi, Zinedine? Oui. Oui. Bon, bah, c'est parfait. Zinedine, il a écouté, j'ai vu. Oui. On va faire une interrogation écrite, là, après. Pas écrite, peut-être pas orale, mais on va voir ce que t'as retenu. Oui. Hein? Et Corinne, mais c'est vers le projet d'aller voir les cochons y vont, là. Oui, alors, justement, je réitère la demande à Damien de nous donner l'adresse de la ferme, enfin, de l'élevage. De l'élevage... On puisse appeler, voir s'il y a une possibilité d'aller visiter et tout ça. C'est loin. Donc, c'est à la Rente Rouge, c'est un lieu dit... C'est en Haute-Saône, à Chargé-les-Grès. Tu pourras nous l'écrire? Je pourrais vous l'écrire, il n'y a pas de souci. Si tu as le téléphone, nous le mettre avec. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut dire qu'on appelle de ta part? Je pense. Que voilà, on t'a reçu et tout. Oui, oui. Que, ça peut être bien, ça. Ah oui, moi je vous accompagne. Ah bah super. Oh, vous voyez, c'est loin. Haute-Saône, c'est pas le bout du monde non plus. C'est hein. loin. Hein. Non, ça fait pas très loin d'ici. 1h30 de route. C'est beaucoup, 1h30? 2 heures. C'est beaucoup pour toi? Non, un peu. Un peu. En pied? Eh bien, écoutez, il faut se quitter. Donc, on remercie encore Damien. On souhaite une bonne journée aux auditeurs. Bonne journée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.